الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. Donc on commence aujourd'hui le cours 34 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam avec l'explication du Cheikh Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam, rahimallah. Et donc on est toujours dans le chapitre au sujet de As-Sufuf. C'est-à-dire le fait d'égaliser les rangs et de faire des rangs droits dans la salat et de rester droit durant toute la salat lorsqu'on prie en jama'a. Donc ça, c'est l'importance, et on a mentionné ça. Donc on va lire ça ensemble, inshallah. Et puis on est arrivé au hadith numéro 71. Donc c'est un hadith qu'on va lire maintenant. Donc an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal bittu 'inda khalati Maymuna fa qama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-layl fa qumtu 'an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani 'an yaminihi. رواه البخاري ومسلم. Donc ici Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il explique que il était chez sa tante Maymouna, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pendant la nuit pour faire la salat, et il dit: je me suis levé, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, il s'est levé et il s'est tenu à sa gauche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par sa tête et il l'a fait passer par sa droite. Il l'a fait passer et il l'a placé à sa droite. Et donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On va lire maintenant le sens de ce hadith. Al-ma'na al-ijmali. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. كان الصحابي الجليل حبر الأمة أو حبر الأمة، ترجمان القرآن، ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع بنفسه على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال ابن عباس ليصلي بصلاته، وصار عن يساره، وسار عن يساره. النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، لأن اليمين هو الأشرف، وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقامه عن يمينه. Donc le cheikh il explique que le sahabi, le noble sahabi et le savant de la Ummah, l'interprète du Coran, celui qui faisait beaucoup d'efforts pour obtenir la science et pour concrétiser cette science et réaliser cette science et obtenir sa réalité, au point où il est même allé jusqu'à dormir chez sa tante Maymouna, l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir par lui-même être témoin de la prière nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait les nuits pour prier. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier pendant la nuit, Abdullah ibn Abbas s'est levé lui aussi pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il s'est placé à sa gauche. Il s'est placé à sa gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était lui l'imam et Abdullah ibn Abbas, il était le ma'moum. Et parce que la droite, c'est le côté le plus noble, hein, et c'est la position donc, dans laquelle celui qui suit l'imam doit se placer. Lorsqu'il prie tout seul avec l'imam, il doit se mettre à sa droite. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Abdullah ibn Abbas par sa tête et il l'a déplacé de sa gauche et il l'a ramené à sa droite. Donc après, le cheikh il mentionne les divergences des ulama à ce sujet. Et donc il cite ou il parle de certaines divergences qui existent à ce sujet et on va donc lire ça ensemble. Le cheikh il dit: اختلاف العلماء المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. Donc la divergence ici c'est au sujet de la personne qui prie à gauche de l'imam, si jamais il se place à gauche de l'imam alors que personne n'est à sa droite lorsque quelqu'un prie tout seul avec l'imam et qu'il se place à sa gauche alors qu'il n'y a personne à sa droite, est-ce que sa prière sera acceptée ou non? Et il mentionne que la position du madhab de l'imam Ahmad, c'est de considérer que la prière, elle n'est pas valable dans ce cas-là. C'est-à-dire la personne qui se place à gauche de l'imam, lorsqu'il n'y a personne à sa droite, lorsqu'il prie seul avec l'imam, elle n'est pas valable. Tandis que la majorité des ulama, et parmi eux, les trois imams, Abu Hanifa, Malik et Al-Shafi'i, ils considèrent valide sa prière, ils la considèrent valide. Donc même s'il n'y a personne à sa droite, sa prière est quand même valide. Et c'est une des deux narrations à ce sujet de l'imam Ahmad. C'est-à-dire que l'imam Ahmad, deux choses ont été rapportées à son sujet, à ce sujet-là, par rapport à cette question-là. Une dans laquelle il mentionne que sa prière n'est pas valable, et la deuxième dans laquelle il mentionne que sa prière est valable. Donc ça c'est les deux positions à ce sujet. Ensuite, Le cheikh, il explique que certains d'entre les compagnons de l'imam Ahmad ont choisi donc la position du Jumhur, la position de la majorité des ulama, et ils ont utilisé comme preuve le hadith 71 qu'on vient de lire, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de la nuit et Abdullah ibn Abbas s'est placé à sa gauche, hein, et ensuite il l'a déplacé pour le mettre à sa droite. Et donc ça, c'est la preuve que sa prière est valide quand même, puisqu'il n'a pas recommencé sa prière. Il l'a seulement déplacé pour le mettre à droite. Donc si sa prière n'était pas valable à gauche, eh bien, il ne pouvait pas juste continuer sa prière. Sa prière n'aurait pas été valable du tout. Donc ça, c'est la preuve que sa prière serait quand même valable, malgré que c'est vrai que de se placer à sa gauche, c'est ce qui est le meilleur, hein, c'est ce qui est la meilleure chose à faire. Le cheikh, il mentionne, wa alaykoum salam wa rahmatullah, le cheikh, il mentionne ensuite et il dit ما يؤخذ من الحديث الأول الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدا. Donc le premier point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que si quelqu'un prie à côté de quelqu'un lorsque cette personne est toute seule, donc si tu es tout seul avec l'imam et que tu pries à côté de lui, eh bien c'est préférable de se placer à sa droite. Le deuxième point, صحه وقوف المأموم عن اليسار او عن يسار الامام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاه ابن عباس. Le deuxième point, c'est la validité de la personne qui a prié à côté de l'imam à sa gauche alors que sa droite était libre, ou qu'il n'y avait personne à sa droite, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré la prière d'Abdullah ibn Abbas comme étant invalide du fait qu'il s'est placé à sa gauche. Le point numéro 3, أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف كما ورد في بعض الفاظ الحديث في البخاري. Donc lorsque la personne qui prie à côté de l'imam lorsqu'il est tout seul, hein, si il se place à sa gauche, eh bien il doit tourner pour se placer à sa droite et il doit passer par derrière lui, c'est-à-dire il doit passer derrière l'imam, comme c'est mentionné dans certaines narrations, hein, dans certaines versions du hadith dans Sahih al-Bukhari. Point numéro 4, أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها. Donc le quatrième point, c'est que les œuvres, les mouvements que tu fais dans la prière, si c'est des choses qui sont légiférées pour que ta prière soit valable, alors ça ne l'annule pas ou ça ne lui cause pas de tort. Donc le fait de se déplacer de la gauche à la droite de l'imam par derrière lui pendant la salat, pendant que tu es en train de prier, ça n'annule pas la validité de ta prière. Le point numéro 5, صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ. Le point qu'on peut tirer dans ce hadith aussi, le point numéro 5, c'est la validité de se placer en rang seul avec un enfant dans un rang. Même si, donc ça veut dire que même si c'est un enfant, il peut se tenir à côté de toi dans la salat. Hein? Donc il n'y a pas de problème dans ça. La prière sera valide quand même, et ça ne causera pas de tort à ta prière. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que les enfants ne doivent pas se placer en rang avec les adultes. Et il place toujours les enfants derrière. Donc, Abdullah ibn Abbas, il s'est placé à côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et donc ça, c'est la preuve que de prier avec un enfant dans le rang, c'est valide. La prière est valide et c'est correct aussi, c'est acceptable. Le point numéro 6, mashru'iyyatu salati al-layli wa istihbabuha. On peut tirer aussi de ce hadith que la prière de la nuit, elle est légiférée et que c'est quelque chose qui est recommandé de faire et qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le point numéro 7, ijtihad ibn Abbas radiyallahu anhuma wa hirsuhu ala tahsil al-ilm wa tahqiqihi. Donc ici le cheikh il a mentionné comme point numéro 7 les efforts de Abdullah ibn Abbas dans la quête du savoir et son désir ardent et ses efforts pour acquérir le savoir et la science, puisqu'il est allé yani, chez sa tante en espérant justement pouvoir profiter de cette occasion là pour apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Le point numéro 7, innahu la yashtaritu li sihhati al-imama an yanwi al-imama qabla ad-dukhul fi as-salati annahu imam. Et ça aussi c'est un point qui est très intéressant. Le point numéro 8, c'est que il n'est pas une condition pour que la personne qui dirige dans la prière, pour que sa dirigeance dans la prière soit valable, qu'il ait commencé la salat avec l'intention d'être imam. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il a commencé sa prière tout seul, et que quand il a commencé sa prière, il était seul, donc il n'avait pas l'intention d'être imam, puis que quelqu'un vient et se place à côté de lui pour le suivre dans sa prière, eh bien, dans ce cas-là, même si son intention en commençant la salat, ce n'était pas d'être imam, eh bien, le fait qu'il est imam sera quand même correct et valable, même si il n'avait pas l'intention de l'être au début. Donc, c'est pour établir le fait que c'est pas une condition d'avoir cette intention-là pour être imam. D'avoir l'intention d'être imam depuis le début. Donc ça c'est ce qui conclut donc ce chapitre. Et le chapitre suivant c'est Babul Imama. Donc justement c'est le chapitre au sujet de Al-Imama, c'est-à-dire le fait de diriger la prière et de prier en jama'a derrière celui qui guide la prière. Et on appelle celui qui guide la prière Al-Imam. On appelle le guide dans la prière, lorsqu'on prie en groupe, on l'appelle Al-Imam. Imam, ça veut dire celui qui dirige, celui qui guide, celui qui est en avant des autres et qui les guide dans la salat. Donc ici, dans ce chapitre, le cheikh il dit, Cheikh Al-Bassam rahimahullah, hadha babun يذكر فيه آداب الإمام والمأموم وما يجب على كل منهما ويستحب وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض. يرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه عمليا إلى مقاصد سنية وأهداف سامية من حسن الطاعة والاقتداء بالقواد في مواطن الجهاد وفي حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية والحركات الحربية ومن تعود على المواساة والمساواة حيث يقف الصغير مع الكبير والغني مع الفقير والشريف مع الوضيع إلى غير ذلك من أسرار من أسرار تفوت الحصر. وهذا والمقصد الأسمى هو عبادة الله والخضوع بين يديه. Donc ça c'est l'introduction du Cheikh par rapport à ce chapitre. Il dit que ce chapitre au sujet de l'imam, c'est-à-dire le fait d'être imam, dans ce chapitre il mentionne les manières que doivent adopter celui qui dirige dans la salat, c'est-à-dire l'imam, ou le ma'moum, celui qui est dirigé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, l'imam, c'est celui qui dirige, et al-ma'moum, c'est celui qui est dirigé dans la salat, donc celui qui est derrière l'imam. Donc, on est dans ce chapitre, donc on va parler de ça. On va parler des manières de l'imam et de celui qui est dirigé derrière l'imam, qui est derrière l'imam, et ce qui est obligatoire à chacun des deux, et ce qui est recommandé à chacun des deux. Et il y a dans ça également l'explication de la relation qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre celui qui dirige et celui qui est dirigé dans la salat. وَالْإِمَامَةُ نِظَامٌ إِلَهِ. C'est-à-dire que le fait d'être imam dans la prière et de diriger les gens dans la prière, ou bien d'être dirigé dans la prière, tout ça c'est quelque chose qui fait partie de l'organisation divine. Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a orienté à établir en pratique dans des buts, illa maqasid as-saniyya, dans des buts qui sont nobles et très élevés, et qui nous indiquent la bonne obéissance et le fait de se référer et de suivre comme exemple les gens qui sont à la tête des musulmans ou qui dirigent les musulmans, comme par exemple dans les contextes de guerre ou de combat ou de djihad, le dirigeant de l'armée, on doit lui obéir et on doit le suivre. Et c'est la même chose dans l'armée, on doit suivre, respecter le système dans les œuvres militaires, dans les mouvements de guerre et des choses de ce genre. Et c'est quelque chose qui ramène également au principe de compassion et d'égalité aussi, du fait que dans la prière le petit est avec le grand, le riche est avec le pauvre, le noble est avec le modeste, et donc tout ça sont des signes qu'on retrouve dans le fait d'établir la prière en groupe, et qu'il y ait justement des rangs qui soient établis et que les gens se placent derrière un imam pour le suivre dans la prière. Et ça c'est donc pour rappeler que l'objectif le plus noble derrière tout ça, c'est l'adoration d'Allah et le fait de s'humilier et d'être humble devant lui. Donc, ceci dit, maintenant, le premier hadith qui est mentionné dans le chapitre, c'est le hadith 72. Et dans ce hadith, il est rapporté selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Il dit, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lève sa tête avant l'imam, c'est-à-dire il devance l'imam dans ses mouvements, Donc il dit, celui qui lève sa tête avant l'imam, ne craint-il pas que sa tête soit changée, hein, que Allah change sa tête en tête d'âne, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala transforme son apparence en l'apparence d'un âne. Et le cheikh il explique, il dit ama, hein, qala al-Shawkani ama mukhaffafa yani harf istiftah wa asluha ma an-nafiya dakhalat 'alayha hamzatu al-istifham wa hiya huna istifham tawbih. Donc ici c'est une interrogation de blâme, hein, une interrogation dans le but de réprimander. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne craint-il pas celui qui lève sa tête avant l'imam, que Allah le change, hein, lui change sa tête en tête d'âne ou en tête de mule, hein, et qu'il fasse transformer son apparence en apparence d'une mule. Et donc, c'est ça la signification de Ama. Ama, c'est-à-dire, ne craint-il pas, hein, c'est une négation. Ama yakhsha. Yani yakhsha, yakhaf yani. Donc c'est comme si ici cette interrogation là, c'est en réalité, c'est pas une interrogation, mais c'est plutôt, hein, une affirmation, c'est pour dire, ou bien même un ordre même, dans le sens que la personne qui fait ça, elle devrait craindre cela, hein, comme le cheikh il dit, yakhaf, yani walma'na fal yakhaf. لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام. Donc le cheikh il dit, يعني, que le but de l'interrogation ici, c'est de faire sentir l'interdiction de lever la tête avant l'imam. Donc c'est un sens, hein, dans le sens de l'interdiction. Ensuite le cheikh il dit, والمعنى الإجمالي إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته وبهذا تتحقق المتابعة فإذا سبقه المأموم فاتت مقاصد المطلوبة أو فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة. Donc le cheikh il dit que celui qui a précédé ou devancé l'imam, hein, parce que l'imam il a été établi pour qu'on l'utilise comme un guide et pour qu'on le suive dans la salat, du fait qu'il doit faire des mouvements et ceux qui sont derrière lui doivent suivre ces mouvements là dans le but de concrétiser le suivi dans la prière. Donc, si la personne qui est dirigée dans la prière, qui est derrière l'imam, si elle le dépasse ou elle le devance dans les mouvements de la prière, alors les objectifs qui sont recherchés dans la prière et dans le fait d'avoir établi un imam, eh bien, on a perdu cet objectif-là, on ne l'a pas atteint, puisque la personne, elle n'a pas suivi l'imam, mais elle l'a devancé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné cette menace sévère de celui qui lève sa tête avant l'imam, que Allah subhanahu wa ta'ala lui change sa tête en tête de mule, ou qu'il change son image en image d'une mule. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du fait qu'il va transformer sa tête de la plus belle apparence à la plus laide. Et ça c'est en rétribution pour ce membre duquel, hein, il y a eu cette devance et que, yani, la personne s'est levée dans la prière avant l'imam et donc elle a manqué à cet aspect de la salat qui est importante. Cheikh il mentionne ensuite la question de la divergence entre les ulama au sujet de la divergence, pas de la divergence, mais au sujet de la devant, du devancement dans la prière, c'est-à-dire de celui qui devance l'imam. اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد لكن اختلفوا في بطلان صلاته فالجمهور أنها لا تبطل قال الإمام أحمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة وأصحاب الإمام يقولون من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرفع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد. Donc, il parle, le cheikh il mentionne que les ulama ont divergé sur certaines questions dans la question de la, du devancement dans la salat. Mais par contre, ils sont tous d'accord que c'est haram. Donc, tous les ulama sont d'accord que c'est haram de la part de celui qui est derrière l'imam de devancer l'imam. À cause de cette menace sévère qu'on a mentionnée. Toutefois, ils ont divergé au sujet de est-ce que la prière de cette personne qui a devancé l'imam, est-ce qu'elle sera nulle ou est-ce qu'elle sera quand même valable ? Et la majorité des ulama, ils considèrent qu'elle n'est pas nulle. C'est-à-dire, la majorité des ulama considèrent que sa salat, elle sera quand même valable. Même s'il a devancé l'imam. Toutefois, l'imam Ahmad, il dit dans sa risala, celui qui devance l'imam, il n'a pas de salat. C'est comme si sa prière n'est pas valable. Et les compagnons de l'imam Ahmad ont dit, celui qui devance son imam par un pilier, comme le recours ou le sujoud, donc l'inclinaison ou la prosternation, alors dans ce cas-là, il doit se relever, hein? Il doit revenir, c'est-à-dire au mouvement dans lequel il a devancé pour le faire après l'imam. Donc si par exemple la personne s'est relevée dans un pilier avant l'imam, ou il a fait un mouvement avant l'imam dans un pilier de la salat, il doit revenir dans sa position pour attendre que l'imam se relève pour le suivre. D'accord. Et il dit ensuite, s'il ne le fait pas volontairement et que l'imam l'a rattrapé, alors dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il ne revient pas volontairement alors qu'il a devancé l'imam et que l'imam le rejoint par la suite, alors dans ce cas-là, sa salat sera batila, sera pas valide. Et il explique ensuite que ce qui est correct par rapport à ce qui a été mentionné dans cette risala de l'imam Ahmad, c'est que le simple fait de devancer l'imam volontairement et intentionnellement, ça annule la salat. Et ça, c'est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Car la menace, elle implique l'interdiction, et l'interdiction implique que l'œuvre n'est pas valable. L'interdiction de quelque chose implique al-fasad. Donc al-fasad, ça veut dire l'invalidité. Donc on va s'arrêter ici parce que c'est l'heure de la salat, puis on continuera ça la semaine prochaine. On va mentionner les points qu'on peut tirer de ce hadith, inshallah, la semaine prochaine. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.